Chapitre 14e. Et quoi? C'était là Carmelita. Quelle différence entre la réalité et ce qu'il savait, ou plutôt ce qu'il croyait savoir d'elle? Que deux fois lui avait-on répété le mot de la fable « belle tête, mais point de cervelle ». Assurément, ceux qui parlaient ainsi ne la connaissaient point, ou bien c'était la jalousie et l'envie qui les inspiraient. Non seulement il y avait quelque chose dans cette cervelle, mais encore il y avait de nobles sentiments dans son cœur. Qu'il se fût trompé sur ce caractère, il n'y avait à cela rien de bien étonnant. Il avait eu si peu d'occasion de la juger. Mais qu'il eût cru les sots propos du monde quant à cette intelligence, voilà qui était véritablement par trop maladroit, car il l'avait vue d'assez près. Il s'était rencontré avec elle assez souvent, pour ne pas se laisser ainsi aveugler ou abuser. Qui lui avait dit qu'elle était sotte? Madame de Lucilière, et il avait eu la naïveté de la croire. Sotte, la jeune fille qui venait d'expliquer si clairement sa situation et de déduire avec tant de logique les raisons qui commandaient sa résolution. C'était son silence obstiné, son recueillement, son apparente indifférence pour tout, qui avait accrédité cette opinion. En la voyant toujours grave, regardant comme si elle ne voyait pas, écoutant comme si elle n'entendait pas, on avait conclu à la sottise, et comme il n'y avait pas la plus légère critique à adresser à sa beauté, qui défiait la malveillance, on avait exploité cette accusation de sottise, belle tête, mais point de cervelle. Cela est vite trouvé et complaisamment répété. Maintenant il savait ce que cachait ce silence qu'il avait surpris lui-même plus d'une fois. Elle ne parlait point pour ne pas s'avancer, pour ne pas s'engager. Que de fois aussi, lui avait-on dit et répété, « Défiez-vous de la belle Italienne et de son oncle. Ne vous laissez pas prendre par eux. » L'avertissement était parfaitement juste, appliqué au prince Mazzazzoli. Mais pour Carmelita, l'était-il également? C'était une question qui ne devait pas être examinée à la légère et tranchée d'un mot. Sans doute, à s'en tenir à ce qu'elle venait de dire, il était évident qu'elle n'avait jamais voulu se prêter au rôle que son oncle lui avait imposé, et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le prendre pour mari, lui pas plus que tout autre. Mais ces paroles étaient-elles l'expression de la vérité? Au contraire, n'était-elle point le développement habile de ce rôle? En disant qu'elle avait honte de se livrer à la chasse au mari, n'avait-elle pas pour but de le rassurer, de l'endormir et de le prendre alors plus facilement? Ce début au théâtre n'était-il point une ruse? Enfin, tout ce qu'elle venait de lui expliquer n'était-il point la mise en œuvre du plan du prince? Et au lieu de parler pour elle sincèrement, n'avait-elle pas répété tout simplement une fable qui lui avait été apprise par son oncle? Ses doutes se présentèrent à son esprit, mais sans le toucher. Il s'en voulut presque d'avoir pu les admettre un moment. Il n'était point de ceux qui voient la vie en laid et qui ne croient qu'au mal. Eh bien, certainement, si on ne lui avait pas répété tant de fois que le prince voulait lui faire épouser sa nièce, l'idée de cette machination ne fut pas née spontanément en lui. Mais malgré ses suggestions étrangères, il ne s'arrêta pas longtemps à cette idée. Carmelita était sincère. Non, ses yeux limpides ne pouvaient pas l'avoir trompé. Non, cette belle bouche n'avait pas pu mentir. Si grande que fut maintenant sa défiance contre les femmes, si profond que fut son mépris pour elles, il y avait un degré de fausseté et de tromperie devant lequel il fallait s'arrêter, sous peine d'être dupe de sa propre incrédulité. D'ailleurs, il fallait être logique. Ou bien Carmelita était la belle bête qu'on disait, et alors on devait reconnaître qu'elle était pleinement incapable de jouer une scène telle que celle dont il venait être le spectateur. Ou bien elle n'était pas sotte, et alors on devait reconnaître qu'en lui reprochant cette sottise, on la jugeait mal. Dans ce cas, quelle confiance avoir dans les avertissements de ceux qui avaient parlé d'elle sans l'avoir étudiée? Si l'on s'était trompé sur son intelligence, ne pouvait-on pas aussi s'être trompé de même sur son caractère? Pour lui, qui venait d'éprouver combien cette intelligence était différente de ce qu'il avait cru tout d'abord et de ce qu'on lui avait dit, il était tout porté à ne pas admettre un jugement plus que l'autre. En raisonnant ainsi, il marchait derrière Carmelita et, depuis qu'ils avaient quitté la place où ils avaient déjeuné, il ne lui avait pas adressé d'autres paroles que quelques mots insignifiants pour la guider. Tout à coup, il la rejoignit et lui prenant la main, il la posa sur son bras. Ce mouvement s'était fait si vite et d'une façon si brusque, si imprévue, qu'elle s'arrêta et le regarda avec stupéfaction. « Le chemin devient difficile, dit-il, vous pourriez glisser. » Elle regarda alors le sentier. Mais elle ne vit pas qu'il présenta la moindre difficulté, en tout semblable à ceux qu'ils avaient parcourus depuis leur sortie de Glion. « Appuyez-vous sur moi, » dit-il. Elle fit ce qu'il demandait, et doucement elle se serra contre lui, mais sans bien comprendre à quel sentiment il avait obéi. Bien entendu, il ne lui donna pas d'explication, car il était assez difficile de dire que quelques instants auparavant il était en défiance contre elle, tandis que maintenant il était rassuré. Artiste, elle ne lui inspirait que de la sympathie. Jeune fille à marier, elle lui faisait peur. Désormais, il pouvait, pendant le temps qu'elle passerait au Glion, vivre librement près d'elle. Il n'avait plus besoin d'abréger son séjour en Suisse. Pendant tout le reste de la journée, tant que dura leur promenade, c'est-à-dire jusqu'au soir, Carmelita fut frappée du changement qui s'était fait en lui, dans son humeur, dans ses manières, comme dans ses paroles. Jamais elle ne l'avait vu si aimable, en prenant ce mot dans le bon sens. Il parlait de toutes choses, au hasard, librement, sans éviter certains sujets et sans réticence. Lorsque leurs regards se croisaient, il ne détournait point la tête, mais il restait les yeux levés sur elle. En tout, il la traitait comme une amie, comme une camarade. Ce fut seulement quand la nuit commença à monter le long des montagnes qu'il pensait à rentrer. Peu à peu, il s'était rapproché de l'hôtel. Mais sans souci de l'heure du dîner, ils étaient restés assis dans un bois de sapins, causant, devisant, jouissant à deux du spectacle du soleil couchant. Jusque-là, il y avait un mot qui s'était présenté plusieurs fois sur ses lèvres et qu'il avait toujours retenu, mais qu'il se décida alors à risquer. Comme l'ombre avait commencé à brouiller les choses et à rendre le sentier qu'il suivait incertain, il lui avait de nouveau pris la main et de nouveau elle avait marché près de lui en s'appuyant sur son bras. « Et quand voulez-vous mettre votre projet à exécution ? » demanda-t-il. « Je ne sais trop. Tout est bien arrêté dans mon esprit. La date seule de mon départ n'est point fixée. Car vous pensez bien que je n'ai pas d'engagement signé qui me réclame. Et puis la saison n'est pas bonne pour les théâtres, qui la plupart sont fermés. Enfin, il m'en coûte cruellement de me dire, tel jour, à telle heure, je ne verrai plus ma mère ni mon oncle. » À ce mot, elle s'arrêta, la voix troublée par l'émotion. Il la sentit frémissante contre lui. Mais bientôt elle reprit. « Je balancerai peut-être assez longtemps encore ce départ. En tout cas, il aura lieu certainement avant celui de mon oncle. Quand je verrai ma mère rétablie, car j'espère qu'ici elle va se rétablir promptement. Quand on parlera de rentrer à Paris, alors je partirai. Et bien entendu, on ne rentrera pas à Paris. C'était pour moi, pour mon mariage, que mon oncle et ma mère habitaient Paris. Quand ils n'auront plus le souci de ces mariages, ils retourneront à Belmonte, et j'aurai la satisfaction de penser que ma fuite a de ce côté ce bon résultat encore, d'assurer la santé de ma mère. Seulement, pour que tout cela s'arrange dans la réalité, comme je le dispose en imagination, il faut que vous soyez au Glion vous-même, au moment où je me séparerai de mes parents. En me demandant quand je partirai, vous devez donc commencer par me dire quand vous comptez partir vous-même, mais je n'en sais rien. Alors je ne sais moi-même qu'une chose, c'est que mon départ précédera le vôtre de quelques jours. Prévenez-moi donc quand vous serez prêt. Et d'ici là ? Quoi, d'ici là ? Je veux dire, ne continuerons-nous pas ces promenades commencées aujourd'hui ? Oh, avec bonheur ? Avec bonheur pour moi, je veux dire. Seulement ne vont-elles pas vous ennuyer ? Je vous ai demandé déjà un assez grand service pour ne pas abuser de vous. Mon oncle prétend que vous aimez la solitude. Est-ce vrai ? Cela dépend. De quoi ? Du moment. Et surtout de ceux qui rompent cette solitude. Il y a des heures où j'aime mieux être avec moi-même qu'avec certaines personnes. Il y en a d'autres où j'aime mieux être avec certaines personnes que seul avec moi-même. Alors nous sommes dans une de ces heures. Vous êtes de celles qui... Comment ? S'écria-t-elle en riant. « Vous me feriez un compliment, vous ?» Ils arrivaient à l'hôtel. « Vous plaît-il que demain nous fassions l'ascension de la dent de Naï ? » dit-il. « Mais volontiers, puisque je suis une de ces personnes qui... » « Et que nous sommes dans une de ces heures où... » « Alors à demain, c'est entendu. Seulement, demandez-moi à mon oncle. » Quand le prince Mazzazzoli entendit parler de cette nouvelle promenade, il poussa les hauts cris et s'indigna contre sa nièce. « Mais cet enfant est l'indiscrétion même. Je vous en prie, mon cher ami, ne cédez pas à ces caprices. » Puis tout à coup, s'interrompant, « Quand quittez-vous le Glion ? Mais je ne sais trop. » « Alors je refuse mon consentement à cette promenade. Je ne veux pas que ma nièce vous gâte vos derniers jours passés au Glion et arrive ainsi à abréger votre séjour, ce qu'elle ferait assurément. » La discussion continua, mais comme la première fois, le prince finit par se rendre aux raisons du colonel, ou plutôt par céder à ses instances. La promenade du lendemain eut lieu. Puis après celle-là, ils en firent une troisième, après cette troisième, une quatrième, une cinquième. Il demeure de règle que chaque jour ils sortaient tous deux pour aller faire une excursion dans la montagne, tantôt avant le déjeuner, tantôt après. Il n'y avait plus de discussion engagée. Une convention tacite s'était établie à ce sujet entre le prince et le colonel, et s'il parlait de ses promenades, c'était au retour et non au départ. Jamais le prince ne proposa de les accompagner. Les ascensions, ainsi qu'il l'avait dit, étaient impossibles pour lui. Quant à la comtesse Belmonte, il était tout naturel qu'il ne fût pas question d'elle. Qu'eût-elle pu faire dans son état de santé? Quelques pas, à peine. Encore ces quelques pas ne les faisait-elle pas. Toute la journée, elle restait assise à sa fenêtre, qu'elle ne quittait que deux fois par semaine, pour aller en chemin de fer à Saint-Maurice, où un moine italien lui disait la messe pour elle. Messe étrange, dans laquelle le prêtre consacrait une poudre que la comtesse rapportait au Glion, et dont elle frottait légèrement les ustensiles de table dont le colonel devait se servir à son dîner. Pour cela, elle descendait toujours la première dans la salle à manger, et après avoir pris à la dérobée une pincée de son filtre dans la petite boîte où elle le tenait soigneusement fermé, elle en saupoudrait le verre, ainsi que la cuillère, la fourchette et le couteau du colonel. Puis ensuite, se cachant plus ou moins adroitement, elle faisait un signe de croix sur chacun de ces objets. Plus d'une fois, malgré ses précautions, les garçons avaient surpris ce manège, auquel ils ne comprenaient absolument rien. Quelques-uns des hôtes du Rigi l'avaient aussi surpris, mais sans le comprendre davantage. Voulait-elle empoisonner le colonel? Quelle sottise! Bien au contraire! Alors, que voulait-elle? Cette question, il faut le dire, n'avait été que faiblement étudiée, car la famille Ratinelle l'avait été obligée de quitter le Rigi vaudois, la somme consacrée à son déplacement, comme elle disait, étant épuisée. Et il ne s'était trouvé personne capable de remplacer Mademoiselle Hermance, si habile dans l'observation, si ingénieuse dans l'interprétation. Ce départ avait été d'autant plus regrettable au point de vue de la curiosité publique qu'il avait eu lieu précisément à un moment où les remarques qu'on pouvait faire sur l'attitude du colonel Chamberlain et sur celle de Carmelita devenaient de plus en plus intéressantes, de plus en plus instructives. Évidemment, le colonel n'était plus avec la belle italienne ce qu'il avait été tout d'abord à l'arrivée de celle-ci. Ainsi, lorsqu'il rentrait le soir à l'hôtel, revenant de leur excursion, ils ne se suivaient point, marchant l'un derrière l'autre dans les trois sentiers. Elle s'appuyait sur le bras du colonel et, la tête légèrement inclinée vers lui, serrée contre lui, elle semblait écouter avec plaisir ou même avec bonheur ce qu'il lui disait. Elle-même parlait peu, mais souvent elle relevait la tête, et sans avoir souci des pierres ou des trous de la route, elle restait les yeux fixés sur lui comme si elle était suspendue à ses lèvres. Comme si ce n'était pas assez de ces conversations qui se continuaient ainsi avec cette intimité, après plusieurs heures de promenade passées en tête à tête, il les reprenait encore la nuit ou tout au moins le soir. Ceux qui habitaient au-dessus de l'appartement du colonel entendaient souvent pendant la soirée un bruit de paroles dans sa chambre. Il n'y avait pas à se tromper sur les voix qui prononçaient ces paroles. L'une de ces voix était celle du colonel. L'autre était une voix de femme, et cette femme ne pouvait être que Carmelita. « Elle va donc dans la chambre du colonel. Alors, que voulez-vous de plus ?» Cependant, ceux qui raisonnaient ainsi se trompaient. Les apparences les abusaient, au moins jusqu'à un certain point. Assurément, ils avaient raison de dire que le colonel n'était plus avec la belle italienne ce qu'il avait été lors de l'arrivée de celle-ci au Glion. Le mouvement de dépit et de colère qu'il avait tout d'abord ressenti contre le prince et même contre elle s'était bien vite calmé pour passer insensiblement à un tout autre sentiment. Il avait plaisir à l'emmener avec lui dans ses promenades. Elle était une distraction. Elle l'empêchait de retourner par l'esprit à Paris et de penser à celle qu'il avait trompée. Si malgré tout un souvenir lui revenait et s'imposait à lui, il n'en était plus obsédé pendant toute la journée, sans pouvoir le chasser de devant ses yeux et l'arracher de son cœur. Elle lui adressait la parole, elle le regardait, elle lui tendait la main pour lui demander son appui, et le souvenir s'envolait. Et c'était à elle qu'il pensait maintenant plus souvent. Non pas que de parti pris, il allait la chercher, mais l'impression immédiate la lui imposait. À vivre du matin au soir ensemble, une sorte d'accoutumance matérielle s'était établie. Et lorsqu'il s'éloignait d'elle un moment, il la voyait encore, comme si son image était empreinte dans ses yeux. De même qu'il entendait sa voix, comme si quelques-unes de ses paroles lui étaient répétées par un écho intérieur longtemps après qu'il les avait reçues. Combien différente était-elle de ce qu'il l'avait jugé tout d'abord? C'était là le mot qu'il se répétait sans cesse, et qui, à son insu, sans qu'il en eût bien conscience, le ramenait à elle. Mais de ces sentiments de plaisir et de joie qu'il éprouvait maintenant à se trouver avec elle, à ceux que les hôtes du Rigivaudois supposaient, il y avait une immense distance à franchir, et il ne soupçonnait même pas qu'elle pût l'être jamais. Aimer Carmelita, l'aimer d'amour, jamais cette idée n'avait effleuré son esprit. Elle était pour lui une amie, une camarade, rien de plus, une admirable créature, une belle statue, voilà tout. Cependant, leurs promenades continuaient, longues ou courtes, selon les hasards de la journée, et Carmelita parlait souvent de son prochain départ, mais pourtant sans partir. Ce séjour au Glion faisait tant de bien à sa mère, et puisque le colonel ne partait pas lui-même, elle n'avait pas besoin de se presser. Un matin qu'il s'était mis en route de bonne heure, ils avaient été surpris de la transparence et de la pureté de l'air, qui était si grande qu'on apercevait des montagnes situées à une distance de 10 ou 12 lieues, comme si elles eussent été à quelques kilomètres seulement. Comme ils regardaient ce spectacle, un montagnard, passant près d'eux, les salua, et en entrant en conversation avec eux, leur dit que cette rareté de l'air annonçait un orage prochain. « Et pour quel moment cet orage ?» demanda Carmelita. « Oh, cela je ne peux pas le dire, mais sûrement aussitôt que le vent se sera établi au sud-ouest. »« Est-ce que vous voulez que nous retournions à l'hôtel ?» demanda le colonel lorsque le paysan se fut éloigné, marchant devant eux de son grand pas lent mais régulier. « Pourquoi retourner ? Mais de crainte de l'orage. »« J'avoue que j'ai peur de l'orage. » Mais d'un autre côté, j'ai envie de voir un orage dans ces montagnes, de sorte que quand même je serais certaine que le tonnerre dût éclater avant 1 heure, je crois que je continuerai notre promenade. Alors continuons-la quand même, puisque nous ne sommes certains de rien. Nous verrons bien. C'est cela, nous verrons bien.